franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le retour du loup en France, une affaire d'État. Pour nous tous qui avons été enfants, le loup est l'une des grandes peurs populaires. Le petit chaperon rouge, la chèvre de Monsieur Seguin, Pierre et le loup, nous connaissons tous ces histoires où cet animal sert d'exutoire à l'angoisse qu'il fait naître. Autrement dit, qui a peur du grand méchant loup? Eh bien tout le monde, ou presque. Alors, quand il revient en France, fin 1992, en provenance d'Italie, les autorités françaises le cachent pour mieux le protéger. Mais le loup est vite repéré quand il se met à dévorer une ou deux brebis d'abord, des centaines ensuite. L'affaire devient alors nationale. Après la Révolution et jusque dans les années 30, en France, les loups ont été traqués, massacrés, jusqu'au dernier, en tant que symbole d'une nature sauvage et hostile, incompatible avec la présence civilisatrice de l'être humain. Aujourd'hui, ils sont protégés par la loi. L'État exterminateur, celui qui offrait une prime pour toute dépouille d'un loup, les oreilles et la queue, est devenu l'État protecteur. Mais comment l'expliquer? Comment le faire admettre aux éleveurs et bergers qui occupent la montagne, là où le loup s'installe au début des années 90? C'est tout le problème, et là est toute la polémique. C'est cette histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. En seconde partie d'émission, nous recevrons Jean-Marc Morisseau, professeur à l'université de Caen, directeur d'une enquête européenne sur les relations entre l'homme et le loup. Il vient de publier un livre intitulé « Le loup en question, fantasme et réalité » aux éditions Buchet-Chastel en 2015. Il nous attend dans les studios de France Bleu Normandie que nous remercions pour leur accueil. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Hervé Marchon avec l'appui des documentalistes de Radio France, attachée de production Léa Dupouy-Henquin et Lucille Valéry, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Elisabeth Collet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Novembre 1992, un coup de feu claque dans la nuit. Dans l'alpage de la Salette, juste au-dessus d'Aspres-les-Corps, petit village au nord des Hautes-Alpes, un chasseur vient d'abattre un animal. Des nuits entières, on a planqué dans les montagnes le fusil sous la couverture pour traquer la bête, celle qui au printemps a égorgé 28 brebis et qui depuis a fait plus de 300 victimes, selon les comptes tenus par le maire du village. On a pensé aux renards, aux chiens errants, aux lynx. Mais un berger qui a vu la bête rôder autour de son troupeau affirme avoir identifié un jeune loup mâle. Tout le monde s'est moqué de lui, l'espèce a disparu depuis des décennies. Un loup, tu parles? Oui, sauf que le chasseur qui a tiré dans la nuit a traîné le corps de l'animal jusqu'à sa voiture et a roulé jusqu'au village. Et le lendemain, quand on a ouvert le coffre, on a découvert une bête d'une quarantaine de kilos, tout en muscles, pas un poil de graisse, une queue en panache, des pattes fines, des griffes immenses. La bête a gardé les yeux ouverts. « Merde, c'est un loup !» a dit le maire. Sept heures et demie du matin, entre chien et loup. Nous sommes dans les Alpes, plus au sud, au cœur du parc du Mercantour. Le temps est beau, le paysage est automnal, mélèze, ocre dans les vallées, neige en altitude. Il fait froid. Un homme, jumelles vissées sur les yeux, observe des chamois et des mouflons sur la crête rocheuse de Colombron. Il s'appelle Patrick Orméa. Il est le garde du parc national du Mercantour. Il compte les bêtes. Pourquoi les compte-t-il? Pourquoi ce travail de bénédictin? Eh bien parce que depuis un an, on observe une étonnante mortalité des mouflons. Certes, le printemps était mauvais, mais tout de même, on n'a retrouvé aucun cadavre de jeune animal. La veille, le directeur adjoint du parc national du Mercantour a tenu une réunion pas loin d'ici avec les bergers et les éleveurs du secteur. Tout le monde n'a parlé que du loup. Le nom de l'animal est sur toutes les lèvres, dans tous les esprits. Un garde du parc a relevé une trace dans le vallon de Margès, au sud de Molière. À l'été, deux bergers qui étaient sur les pâturages, sur le mont Giraud, ont vu, eux, trois bêtes, genre berger allemand, gris. Leur troupeau avait été dérangé. Alors ils ont pensé que c'était des chiens. Et Patrick Orméa se souvient avoir approché une harde de mouflons, pas loin, au printemps dernier. Un grand mâle était affalé. Il lui a touché la corne en se disant qu'il allait mal. L'animal s'était relevé et il était parti. aucune blessure. Non, il était épuisé, il avait dû courir toute la nuit. Soudain, les pensées de Patrick Orméa sont interrompues, car il voit dans ses jumelles un chien assis, un drôle de chien. Il raconte. Je me suis dit, mais il a une drôle de tête ce chien, des couleurs bizarres. Juste au même moment, la harde de mouflon qui était en dessous s'éparpille totalement. Arrive le deuxième animal. Je le vois très bien se déplacer. À ce moment-là, j'ai repris la longue vue avec un grossissement de 25. J'ai commencé à les détailler. Le deuxième trottait, il est venu rejoindre son copain sur la ligne de crête. Le premier était assis, les oreilles type loup bien sur le côté, je l'avais de face. Et le deuxième, je l'ai vu de profil, la queue bien pendante, très gris. Leur dos allait du gris foncé à plus clair, pas de noir, pas de bande noire. Très grand chien, haut sur pattes, le corps plutôt svelte, assez allongé, queue basse, la tête en dessous du niveau des épaules. À un moment donné, j'avais bien sa tête de profil. Alors là est apparu le décalage entre le museau très fin et la tête, le corps et le cou massifs. Ils sont restés assis quelques instants sur la crête, ça a duré 4 minutes. Ils ne bougeaient pas la tête comme les chiens. Parfois ils tournaient la tête, mais c'était très doucement. Je me suis dit, oulala, des loups. Patrick Orméa redescend tout tremblant à Molière. Il retrouve les gardes du parc, les chasseurs et les techniciens de l'Office national des forêts qui ont participé à cette séance de comptage. À part, il discute avec Anne-Marie Issautier, elle aussi garde du parc. Elle a observé les deux bêtes. Pendant une demi-heure, à moins de 200 mètres d'elle, elle les a regardées chasser. Elle est sûre que ce sont des loups. Oui, ils n'ont pas la même attitude que les chiens sauvages. Mais, motus, ils ne disent rien aux chasseurs et aux éleveurs. Les gardes du parc du Mercantour passeront tout l'hiver dans les montagnes à collecter les preuves de la présence du loup, traces de pas, crottes, poils, restes de chasse. La présence du loup sera révélée au grand public au printemps 1993. 2 ans après cette révélation, les éleveurs, bergers et chasseurs en colère manifestent dans les rues de Nice. Un troupeau sur la promenade des Anglais, les clients de ce grand hôtel sont plutôt surpris. 2000 brebis défilent sur le bord de mer en compagnie de plusieurs centaines d'éleveurs. Pour les bergers, la cohabitation entre cet animal et le pastoralisme est ingérable. Certaines solutions sont radicales. Ah, il faut abattre le loup directement. L'abattre complètement. Pour la chasse, pour les bergers, pour tout, ça a tout changé. Ce sont des bêtes qui tuent. Non seulement pour manger, mais encore en plus de ça, pour le plaisir. Alors on ne sait plus quoi faire. Alors, ne sachant plus quoi faire, pourquoi ne pas tenter ça encore ? Trop, c'est trop, il arrive un moment où n'importe comment, si la régulation, on n'est pas capable de la faire, si les pouvoirs politiques ne sont pas capables de faire la régulation, nous, de toute façon, les professionnels, on s'en occupera, de toute façon, parce que c'est profondément anormal. De la toute nouvelle ligue des opposants au loup, ils sont venus des vallées du Mercantour, des villages et des hameaux de montagne pour demander l'éradication jusqu'au dernier des loups. Depuis que la presse a révélé la présence de la bête en France, rien ne va plus entre écologistes et éleveurs. De 2, le nombre des loups serait passé à 12. Les attaques de troupeaux ont commencé. Quelques dizaines de moutons mangeaient, selon les uns, plusieurs centaines égorgées, selon les autres. Les éleveurs voudraient pouvoir défendre leurs troupeaux à coups de fusil, mais le loup est désormais une espèce protégée. Le président de la Ligue des opposants, interrogé par France Inter en juin 1995, dit son incompréhension. Le classement du loup parmi les espèces protégées est tout à fait inacceptable, et faire cohabiter des loups parmi les éleveurs, c'est quelque chose qui est insupportable. Faire cohabiter les loups parmi des élevages ovins, c'est utopique, ça peut faire plaisir à des gens qui sont très prisés d'environnement. Nous, l'environnement, on le maintient, et on sait que pour le maintenir, il nous en coûte beaucoup, et on demande de toute urgence aux pouvoirs publics et aux élus de prendre les dispositions qu'ils imposent pour capturer les animaux présents dans le département avant que leur développement extrêmement rapide sur cette dernière année ne rende cette tâche impossible. Capturer le loup, oui, le tuer, non. Autrefois, un chasseur qui en rapportait une dépouille recevait une prime. Mais depuis que l'animal a été observé dans le parc national du Mercantour, début novembre 92, ses défenseurs se sont empressés de le protéger juridiquement. C'est au ministère de l'écologie, dirigé par Ségolène Royal, qu'on s'est affairé. Gilbert Simon, l'un de ses conseillers techniques, s'est occupé de tout. Il a fait signer par la France le décret qui entérine la protection de l'espèce. Le 22 juillet 1993, le loup est classé comme espèce protégée dans le droit français, mais sans aucun débat public. Un an après, en juillet 1994, la France adopte la directive européenne Habitat Faune Flore. Comme anobli, l'animal devient espèce d'intérêt communautaire prioritaire. Désormais, celui qui en tue un encourt un an d'emprisonnement et 18 000 euros d'amende. Le chasseur de loups n'est plus un héros, mais un délinquant. Si les gens, les anciens, s'en sont débarrassés, c'était bien pour quelque chose. C'est pas pour rien. Donc on va pas être plus con que les autres, on va s'en débarrasser. Si nos vieux voyaient ça, mais ils les fusilleraient tous. Ils passeraient tous aux armes, comme là-bas, hein, qui tue toute la racaille, parce qu'il faut bien dire, c'est de la racaille. Les gens qui protègent le loup, c'est de la racaille. Voilà. Et puis je me cacherai pas pour tuer un loup, ça c'est sûr. On ne serait jamais imaginé qu'un jour on avait à voir affaire au loup. Jamais, jamais, jamais. Ça, on m'aurait dit, tu paries qu'un jour j'aurais parié n'importe quoi, j'aurais mis ma main à couper. Qu'un jour on allait avoir affaire au loup, je ne pense pas que ça faisait partie du bon sens du monde, ça. Quoi. Je dis, attends, tu dis n'importe quoi, là. C'est comme si demain on te dirait qu'on va élever le sida ou le cancer. On va le garder parce qu'il est nécessaire en France. C'est pareil, ça. Hein. Moi, j'ai un gamin qui me dit, le loup, tu sais, papa, le loup, il faut le sagater. Il a 5 ans. Hein. Chaque fois qu'on voit quelqu'un qui parle du loup, il me dit, il faut le sagater, le loup. L'homme est un loup pour l'homme, dit-on. Mais il est encore pire avec le loup. Durant 2000 ans, il l'a combattu, détesté. Après la Révolution, l'extermination du loup était perçue comme un symbole de progrès. On en comptait alors entre 15 000 et 25 000 sur le territoire. Il fallait éradiquer cet animal considéré ouvertement comme nuisible, qui détruisait les troupeaux et qui était vecteur de propagation de la rage. Le loup était un intrus, symbole de la sauvagerie. Il menaçait la sécurité, l'ordre social. Le Petit Chaperon Rouge, l'un des contes de Perrault, écrit à la fin du XVIIe siècle, grave dans les mémoires l'image traditionnelle du grand méchant loup. Une très mauvaise publicité, une sale réputation entretenue également par l'affaire de la bête du Gévaudan qui, au milieu du XVIIIe siècle, impose l'image d'un animal sanguinaire et mystérieux. Armand Fayard, conservateur en chef du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble, raconte comment les hommes s'en sont débarrassés. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il y est pas, il nous mangera pas. Où es-tu? Entends-tu? Que fais-tu? Et c'est une espèce qui était au 19e siècle largement répandue dans toute l'Europe et qui a été exterminée très rapidement dans les pays dits modernisés comme la France dès la deuxième moitié du 19e siècle. Exterminée, alors les gens qui les tuaient recevaient notamment une prime. On tuait le loup pour de l'argent? Oui, il a été tué. Effectivement, l'extermination a beaucoup été liée effectivement, à des primes qui étaient données pour tous ceux qui arrivaient à apporter la preuve qu'ils avaient détruit en rapportant les oreilles ou la queue en général. Et puis, c'est vrai que c'est la pleine expansion aussi de l'agriculture, l'industrialisation, la découverte de la montagne. Tout ceci faisait que le loup n'était pas très très bien vu et encourageait sa destruction par tous les moyens, le poison, la chasse, le piégeage, enfin tout ce qui pouvait le détruire. Pourquoi tant de haine à l'égard de cet animal qu'on peut dire mythique ? Pour la haine, c'est toute l'histoire en fait d'une espèce qui porte sur elle finalement tout ce qu'on devrait attribuer peut-être à l'espèce humaine. On a trouvé le loup qui pouvait un petit peu représenter cela au niveau de l'espèce animale. Et depuis à peu près le Moyen-Âge, on peut dire effectivement que le loup c'est le diable qu'il faut exterminer. Sous la Troisième République, l'État met les bouchées doubles pour éradiquer l'espèce. Les primes d'abattage sont augmentées. Dans les années 20, seuls quelques spécimens subsistent. Le dernier aurait été tué en 1937 dans le Limousin. Et puis un autre s'y abattu près de Grenoble en 1954. Donc c'était pas le dernier. Mystère, il s'agissait sans doute d'un loup d'élevage échappé de son enclos. Celui de 1992 dans le Mercantour, lui, est bien sauvage. Canis lupus, son nom scientifique, est arrivé d'Italie où il n'avait pas disparu. il s'installe là où la présence de l'homme recule. Alors, question, va-t-il continuer à étendre ses territoires ? Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui le retour des loups en France. Les années passent et le désarroi des éleveurs reste le même. En 1998, au Collet d'Alvard, en Isère, le berger Jean-Pierre Jouffret affirme avoir perdu 80 de ses 2900 moutons. Il s'est d'ailleurs vanté d'avoir tiré un loup, sans qu'on ne retrouve jamais sa dépouille. J'ai des attaques à 3-4 fois par semaine, hein. Des bêtes mortes, des bêtes blessées. Une brebis qui a... J'ai descendu sur le dos jusque là, elle est venue mourir là au camion. Oui, oui, non, mais là, ouais. On est à bout, hein. On peut pas continuer comme ça, c'est impossible. Hein. S'ils veulent nous éliminer les bergers, qu'ils nous le disent, hein, terminé. Mon père venait ici depuis 1928. En 83, quand mon père est décédé, c'est moi qui ai repris la succession. On n'a jamais vu ça. Moi, je vous dis, c'est notre gagne-pain, on vit avec, on y travaille dedans, Parce qu'en plus de ça, un berger, on est berger, on ne le devient pas berger. Puis on y tient aux bêtes. Ça fait 3 mois que je crie au secours, personne n'est venu me voir. Deux ans plus tard, en novembre 2000, toujours au même endroit, un loup est retrouvé pendu par les pattes arrière à un arbre attenant au local de chasseur. Un mâle de 30 kilos, dont l'âge est estimé entre 2 et 4 ans. Il est flanqué d'une pancarte barrée d'un rageur, ras-le-bol du loup. L'autopsie révélera que l'animal a été abattu alors qu'il s'enfuyait d'une balle tirée dans le dos par une carabine de chasse qui a fini sa course dans le cou. Donc les fusils sont sortis. Alors, le monde politique s'active. Le loup est devenu une affaire d'État, éminemment politique. Se conclut alors une sorte de pacte des loups, version cabinet ministériel. Car il faut calmer les éleveurs, rassurer les bergers, apaiser les écolos, tranquilliser les défenseurs des animaux. Un jeu d'équilibriste. En mai 2003, Christian Estrosi présente les conclusions d'un rapport parlementaire qui tente de ménager la chèvre et le loup. Nous disons aujourd'hui ni chasse à l'homme, ni chasse au loup, mais un juste équilibre entre la préservation des activités humaines et des règles européennes qui s'imposent à tous. Et il se trouve que les travaux que nous avons conduits nous permettent d'assurer de manière dépassionnée une réconciliation entre le monde urbain et la ruralité. Le rapport, intitulé « Prédateurs et pastoralisme de montagne, priorité à l'homme », laisse peu d'espace au loup, puisqu'il prévoit le droit de le tuer. L'idée maîtresse est de le contenir sur des territoires sans brebis. Et en cas de présence sur les zones d'élevage, la commission précise les conditions d'une régulation, comme disent les chasseurs quand on les critique. Ainsi, les maires pourront-ils autoriser la mort du loup au fusil ? La chasse est lancée. Hervé Guémard, le ministre de l'Agriculture de Jacques Chirac, déclare hors micro en décembre 2003 devant des syndicats d'exploitants agricoles de l'Isère « À titre personnel, ma position sur les loups, c'est de tous les tuer. » À la télévision, 6 mois plus tard, il est moins agressif, mais tout aussi clair. Que le contribuable soit sollicité pour maintenir le loup, j'avoue que, je le dis franchement, c'est quelque chose que je trouve quand même assez bizarre. En juillet 2004, Serge Lepelletier, le ministre de l'écologie du gouvernement Raffarin, donne son feu vert à l'abattage de 4 loups avant la fin de l'année, en cas d'attaque récurrente des troupeaux. C'est son plan Action Loup. 3 départements sont concernés, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes. Elles seules pourront procéder à ce que la circulaire ministérielle appelle pudiquement des prélèvements. Une chasse aux loups a commencé ce matin dans les Alpes. Des arrêtés préfectoraux autorisent l'abattage de 4 loups qui menacent des troupeaux. Les agents de l'Office national de la chasse sont donc arrivés sur place pour traquer les bêtes. Sébastien Mansour a suivi les chasseurs dans les Alpes-Maritimes à 70 km de Nice. C'est en surplomb du village de Pierre-Lasse, dans la vallée de la Vésubie à une altitude de 1700 mètres, que les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ont pris position tôt ce matin sur une piste de tir à proximité d'une unité pastorale afin de traquer le loup. Malgré les moyens déployés, cette opération de prélèvement demeure très aléatoire. Il y a 2 ans en Suisse, il avait fallu mobiliser une 30aine d'agents jour et nuit pendant 3 mois pour éliminer 2 prédateurs seulement. Pro et anti-loup s'affrontent alors dans une guérilla juridique. Le 4 août 2004, le tribunal administratif de Nice ordonne en urgence la suspension de l'arrêté préfectoral qui autorisait le tir d'un loup dans les Alpes-Maritimes. Olivier Rousseau, président de l'ASPAS, Association pour la protection des animaux sauvages, qui a déposé ce recours, réagit au micro de France Inter. On a simplement fait notre travail de veille par rapport à une décision qui était inadmissible et complètement démagogique. L'abattage de 2, 3 ou 4 loups n'aurait absolument pas réglé le problème qui se pose aux éleveurs, qui est un problème économique. Le loup est responsable d'une part infime des attaques des troupeaux. La grande majorité, ce sont des chiens errants. Il y a des moyens de protection comme la mise en place d'aides bergers, de chiens de clôture de rétention. C'est de laisser des troupeaux sans surveillance. Oui, enfin la suspension sera de courte durée. En octobre 2004, une louve d'environ 18 mois est abattue au cœur du massif du Vercors par un agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. La distance de tir était de 280 mètres et la bête était seule. Cet abattage est le premier effectué dans le cadre du plan du ministre de l'écologie, Serge Lepelletier. Les écologistes n'ont pas réussi à le faire annuler devant le Conseil d'État. Pour eux, c'est une défaite. Mais l'abattage d'un loup ne règle rien. Les attaques de troupeaux continuent. Et les éleveurs manifestent encore, comme ici à Termignon, en Savoie, en 2005. On en a assez. Hein. Ça fait depuis le 25 mai que ça dure, et on n'arrête pas de nous envoyer. Alors, 9 attaques, non, c'est trop cette fois. Ils tuent pas pour manger, ils tuent, ils massacrent. Encore ce matin, il y a eu une attaque sur le troupeau de mon collègue. Donc si c'est pas d'un côté, c'est de l'autre, ça tape. Mais c'est tous les jours. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un tir, et qu'ils nous fassent dégager ce loup de là-haut. Alors, dès sa prise de fonction en juin 2005, la nouvelle ministre de l'écologie, Nelly Olin, du gouvernement Villepin, dégaine contre le loup. Elle autorise 6 abattages dans les Alpes au lieu de 4. Pour justifier sa décision, elle invoque une augmentation de 15% des attaques contre les troupeaux entre 2003 et 2004. Le 5 juillet 2005, dans le massif des Bauges, en Savoie, un éleveur tue un loup qu'il surprend dans sa bergerie en flagrant délit d'attaque de moutons. Après le tir, l'éleveur a lui-même prévenu la gendarmerie, expliquant qu'il ne savait pas qu'il s'agissait d'un loup au moment de l'attaque et qu'il avait agi pour sauver son troupeau, normal. La dépouille du mâle, d'une trentaine de kilos, a été transportée dans les locaux d'Office national de la chasse. Pour les associations écologistes, ce tir viole le plan du gouvernement. Mais le protocole est tellement compliqué. À savoir, pour tirer sur un loup, les bergers doivent d'abord essayer de le faire fuir. Ensuite, ils doivent avoir l'autorisation du préfet après avoir subi plus de 3 attaques successives en 3 semaines. Bien, mais quand un troupeau est attaqué, y compris dès la première fois, comment ne pas réagir ? Écartelée entre le puissant lobby naturaliste et la Fronde paysanne, la ministre de l'écologie Nelly Olin, qui vient pourtant d'autoriser 6 abattages de loups, vole au secours de l'animal tué et dénonce le geste de l'éleveur. Personne n'y comprend plus rien. Quelques jours plus tard, nouveau contre-pied, la ministre assiste à une réunion d'agriculteurs du col de Frest dans les Alpes. Émotion. Devant les caméras de télévision, elle pleure à l'écoute du récit des éleveurs. Il me manque 2 brebis, mais tous les soirs, les loups tournent autour. Les brebis sont effrayées, elles n'arrêtent pas de tourner, elles arrivent à enfoncer les parcs. On est en pleine nuit avec des projecteurs, on est obligé d'aller courir après, de les remettre dans les parcs. C'est ça toutes les nuits. Et depuis le 18 juin, je suis en montagne, je suis déjà en pression. Vous voyez, même des conditions horribles. Non, mais vous savez, monsieur, je vais vous dire, je suis du côté des éleveurs, je ne suis pas du côté du loup, vous le savez bien. Alors, que faire des loups dès lors qu'ils se reproduisent et qu'ils étendent leur territoire ? Il faut bien vivre avec le loup, s'accommoder de sa présence. En 2005, 12 ans après son retour en France, il est présent dans 8 départements alpins. On compte environ 70 loups qui vivent en meute de 4 à 8 individus en moyenne. L'espèce colonise les espaces en faisant des bonds. Un individu qui s'éloigne de la meute peut parcourir jusqu'à 800 km et reformer un groupe au fil des rencontres. Au début des années 2000, le loup s'établit dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, et puis de l'autre côté du Rhône, dans le Gard, la Lozère, le Cantal, les Pyrénées-Orientales. Le loup est là, dans le Massif central et dans les Pyrénées. Gaston Franco, maire de Saint-Martin-Vésubie, dans le parc du Mercantour, là où est revenu le loup en 1992, plaide depuis des années pour une cohabitation homme-loup. Déjà, en 1999, il le disait. Nous sommes bien obligés de nous adapter à la présence du prédateur, et notamment tout un pastoralisme qui est d'ailleurs, à mon sens, le témoignage du déclin de cette activité, c'est-à-dire avec des troupeaux intensifs, importants, non gardés la plupart du temps. Le loup est revenu, j'en suis convaincu, de façon naturelle, parce que la montagne n'est plus entretenue, parce que les agriculteurs, les éleveurs ne sont plus présents, parce que le loup est une espèce en extension en Italie. Toutes les conditions sont réunies pour que le loup revienne. Donc même si ceux qui aujourd'hui sont présents sont exterminés, les autres reviendront aussi. Cette position pro-loup inédite parmi les élus et ses critiques envers les éleveurs ont valu à Gaston Franco des menaces de mort. Mais elles ne l'ont pas fait fléchir. En juin 2005, il inaugure le centre Alpha, un site touristique à la fois parc à loup et espace muséographique situé à l'entrée du Mercantour. Le projet est loin de faire l'unanimité. Ici, le loup est une espèce sauvage, mais cantonnée dans un parc qui accueille du public venu fouler une nature protégée. Les contradictions sont flagrantes. La France parque sa 100aine de loups quand leurs 500 congénères italiens vivent, eux, à l'état sauvage. S'ils donnent une image positive de l'animal, le parc ne l'empêche pas d'égorger les brebis. Alors, on parque les moutons. Pour empêcher les attaques, le gouvernement subventionne des mesures de protection. Enclos grillagés, utilisation des patous aussi, ces chiens de montagne de grande taille, fortement charpentés, et utilisés depuis des siècles pour protéger les troupeaux des prédateurs. Mais comme l'explique cet éleveur, ces mesures ne sont pas la panacée. Mais le loup, il est plus malin qu'on le croit. Vous allez garder. Le loup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bon, le berger, il est là, il y a des patous, comment je fais? Bon, mais il va dire, attends, mais quand il va avoir le brouillard, lui, hein, lui, je vais l'avoir comme il faut, parce qu'il va rien y voir. Comme il m'a fait, là, derrière, c'est ce qu'il m'a fait, là, le brouillard. Bon, ça encore, c'est rien. Il en a tué une, c'est pas le truc. Mais après, il y a des endroits, il y a des gars, ils vous disent, vous ne pouvez pas garder, puisque c'est des montagnes où ça fait plusieurs troupeaux. Mais il y a des endroits, vous allez dans des endroits, c'est des montagnes arboreuses qu'on appelle, hein. Bon, mais les brebis, tu peux pas les garder, parce qu'il y en a 150 qui vont manger là, 200 qui vont rester là, l'autre 300 là, et le berger va rester en bas, il va les regarder manger d'un côté de l'autre. Ça, tu pourrais rien y faire. Hein. C'est là qu'ils disent, après, il y en a qui te disent, il faut parquer. Ah ben, si on parque, alors, c'est plus après faire la montagne, il vaut mieux rester en bas. Moi, je vois comment ça. Moi, je suis berger, je suis pas venu faire ma prison. Si c'est pour que mes brebis soient en prison, mais il vaut mieux que j'arrête. Hein. De nouveaux problèmes apparaissent avec ces modifications des pratiques pastorales. Les chiens de protection très alertes deviennent l'objet de conflits avec les randonneurs, mais aussi avec certaines communes qui voient d'un mauvais œil l'arrivée de ces colosses sur leur sentier d'été. Et puis, regrouper un troupeau toutes les nuits dans un enclos afin de le protéger du loup, cela accroît le risque de surpâturage et cela entraîne une accumulation de déjections. Bref, le loup bouscule un pastoralisme qui laisse ses troupeaux sans surveillance dans les alpages et dans une nature complètement domestiquée. L'année prochaine, c'est sans doute moi-même qui vais aller faire le berger sur l'alpage, parce que pour assurer une présence comme il devrait en présence du loup, il faut y être 24 heures sur 24 et aucun salarié ne peut accepter ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va finir par se dégoûter de ce métier, on va quitter les alpages seront plus entretenus. Qu'est-ce qui va se passer le jour où les alpages seront plus entretenus? Il n'y aura plus de promeneurs, les risques d'avalanche et tout ça. Quoi. Bon, maintenant, si on me dit l'année prochaine les bergers ont le droit de tuer le loup, bon, bah, alors là, ou de l'empoisonner, bon, bah, là, peut-être qu'on on vous dira bon, bah, on va retourner dans les alpages. Mais de toute façon, avant de partir des alpages, on essayera toutes les solutions légales pour le moment. Mais s'il faut aller dans l'illégalité, on va y aller. On l'aura compris, le loup reste un sérieux problème. Mais il est l'occasion de pérenniser un nouveau pastoralisme, osent certains écologistes. D'autres, plus directs encore, veulent en finir avec l'élevage extensif des brebis. Alors ils reconnaissent que le loup ajoute une contrainte supplémentaire à une activité mise à mal par la concurrence de l'élevage néo-zélandais ou australien, moins cher. Mais ils avertissent que le loup ne peut en aucun cas faire les frais de cette crise ovine. De leur côté, les éleveurs ne peuvent pas laisser la part du loup comme le leur demandent les écologistes, car ils ont un devoir de protection envers leurs animaux. Un devoir qui exclut de les abandonner aux prédateurs, ce serait un déni profond du sens de leur métier. Les positions des uns et des autres semblent irréconciliables, même si depuis quelques années, un modus vivendi très précaire s'est installé. Après 25 années pendant lesquelles l'État a tenté de faire coexister l'élevage et la présence du loup, on en compte aujourd'hui plus de 300 en France, présents dans une trentaine de départements. En 2014, les loups ont tué dans le pays 8226 bêtes, des brebis, des chèvres, des génisses, des chevaux. Toujours en 2014, le montant des indemnisations de l'État aux éleveurs s'élevait à 2,5 millions d'euros, en augmentation de 25% par rapport à l'année précédente. Le loup, symbole d'un retour de la nature à l'état sauvage, est désormais bien installé et impose sa géographie. Yeah. world have seen apathy. The way would somebody like you and me. And only God tell me, man, this little flute I play. Till the light day, we do play. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le retour des loups en France avec notre invité Jean-Marc Morisseau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Caen, dans les studios de France Bleu Normandie-Caen. Vous êtes professeur à l'université de cette ville, directeur d'une enquête européenne sur les relations entre l'homme et le loup. Et vous venez de publier un livre intitulé « Le loup en question, fantasme et réalité ». Nous sommes bien au cœur du sujet avec vous. Alors, en 2016, la guerre du loup, la bataille entre défenseurs et opposants au loup, selon vous, est-elle terminée ? Oh, elle est loin d'être terminée, parce que dans la question du loup, il y a beaucoup de simplifications abusives, il y a beaucoup d'amalgames, il y a un manque de hauteur de vue, il y a un manque de pragmatisme également, et il y a un manque de compromis, et il y a un manque d'information. Toute cette accumulation, finalement, de défauts pèse indéniablement sur la gestion de l'animal et va peser pendant encore très longtemps. Alors, quelles sont les informations qui nous manquent, par exemple, ou quels sont les manques dans notre approche de cette thématique-là ? Alors, première information, évidemment, je ne ferai pas l'inventaire total, oui. C'est que la situation des rapports entre l'homme et le loup est également difficile en dehors de l'Hexagone. Elle est même en Italie, qui n'est pas du tout le paradis des relations entre l'homme et le loup. Et en Piémont, par exemple, de l'autre côté des Alpes, la situation est tout aussi catastrophique pour les bergers et les éleveurs. Elle n'est pas meilleure en Espagne, même si l'Espagne avait conservé des populations de loups assez importantes. Dans la Castille et le Léon, il y avait des plans de chasse, et quand l'Espagne a signé la Convention de Berne, c'est avec dérogation, puisque le loup y est chassable. Et donc cela permet une certaine tolérance à l'égard du loup. Mais en dehors de la Castille et du Léon, en Aragon par exemple, et en Catalogne, les loups étaient abattus. Et l'arrivée maintenant du loup protégé de ce côté de l'Espagne crée également des difficultés. En Suisse, la question n'est pas meilleure non plus. Donc si vous voulez, si on faisait un tour d'horizon de l'Europe, il serait fallacieux de dire que la situation marche très bien en dehors de la France et qu'il n'y a qu'en France que la situation est difficile. Voilà déjà une première contre-vérité qu'il faut évidemment dénoncer. Il y en a une seconde, qui est de considérer que les systèmes de protection qui existent en quelque sorte à l'égard du loup sont efficaces et permettent de régler la situation. C'est faux, ils arrivent évidemment à réduire la nuisance, ils arrivent effectivement à dissuader le loup de beaucoup de prédations, mais ils ne les annulent pas. Et surtout, ils créent des situations extrêmement difficiles, psychologiquement et économiquement, pour un secteur qui paie de plein fouet, finalement, la présence du loup. Enfin, les indemnités qui sont accordées le sont qu'avec vérification et sont loin de correspondre à l'ampleur des dommages financiers et économiques que génère le loup directement et indirectement. Donc la situation des éleveurs et des bergers est beaucoup moins, en quelque sorte, facile qu'on le dit, et quand bien même on reconnaît leurs difficultés, on est loin d'imaginer la détresse dans laquelle un certain nombre sont plongés. Vous avez raison, mais on a entendu tout à l'heure un éleveur dans le récit, mais qui était vraiment en détresse et qui corroborait ce que vous dites. Effectivement, dans votre émission, ce qui n'est pas fréquent, la parole est donnée régulièrement aux bergers pour voir concrètement quel est l'impact du loup. Hein, effectivement, mais sachez que ce type d'information est en général contrebalancé par des arguments de défense du loup qui sont extrêmes. Parce qu'il y a un troisième problème à l'égard du loup, c'est que le loup est perçu aujourd'hui comme un super prédateur, emblème de la biodiversité, il est chargé de beaucoup d'aspects positifs pour en faire en quelque sorte le représentant d'un sauvage bénéfique aux antipodes de l'image qui était la sienne pendant des siècles et des siècles jusqu'à la fin du XXe siècle. C'est une caricature que l'on a, qui plaît beaucoup aux gens des villes, et en partie aussi à un certain nombre aussi de gens des campagnes, hein, mais qui ne sont pas confrontés directement aux prédateurs. Il y a un décalage énorme entre l'image symbolique de l'animal et la réalité effective. Non pas qu'il faille noircir à l'extrême la réalité effective, mais il ne faut pas celer qu'un carnivore prédateur sauvage, opportuniste, évidemment crée des perturbations qui sont inégales, mais qui peuvent être localement extrêmement graves à un secteur important de notre économie. Alors, Jean-Marc Morisseau, justement, puisque vous parlez de ça, on va écouter ensemble une archive sur la question de notre rapport à la nature et au sauvage. C'est Geneviève Carbonne qui parle, grande spécialiste française du loup, qui en avril 1993, en collaboration avec le magazine Terre Sauvage, a révélé au public le retour du loup en France. Alors, elle explique que le loup, finalement, représente le sauvage qui est en nous. On l'écoute et on commentera après. En fait, le loup va représenter très volontiers le sauvage. Il va même incarner le sauvage avec un grand S. C'est le loup-garou, c'est la colère violente, c'est la sexualité, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Alors ça fait rire tout le monde quand tout à coup on leur dit « Mais quand vous me parlez du loup, vous me parlez aussi de ça. Je vous ai jamais parlé de ça. » Mais quand on gratte un petit peu sous le vernis, sous la première parole, on se rend compte que c'est des choses qu'on aborde. Et le fait de refuser le loup, c'est d'une part de refuser une évolution sociétale, hein, parce que c'est vrai que les choses changent pour tout le monde. Tous les métiers évoluent, y compris celui d'éleveur. Ce que ça montre, c'est que quand l'homme se retire, la nature reprend ses droits petit à petit, elle retrouve sa primauté. Et ça plaît pas toujours, parce qu'en France, on est quand même dans une démarche intellectuelle qui consiste à dire la nature, elle est donnée à l'homme et l'homme doit la maîtriser. Et les personnes qui sont les plus habilitées à maîtriser l'environnement naturel, ce sont les paysans, les agriculteurs, les éleveurs. Qu'en pensez-vous ? Ah, l'homme et la nature, évidemment. D'abord, le mot nature n'a plus beaucoup de sens. Il a en quelque sorte un sens de dérivatif par rapport au monde urbain et périurbain dans lequel sont plongés la majorité de nos contemporains. Mais la nature a été profondément humanisée, non seulement dans les derniers siècles, mais dans les derniers millénaires. Donc c'est une nature en quelque sorte différente selon les conceptions qu'on lui donne. Il faut bien voir que la nature, c'est un idéal en quelque sorte que l'on projette avec nos représentations culturelles où figure la place de l'homme et la place de l'animal. La nature ne reprend pas ses droits, il n'y a pas de droit de la nature. La nature a été profondément transformée depuis 10 000 ou 15 000 ans. Alors, je vais vous poser une question très, très concrète. Le loup est-il dangereux pour l'homme? Moi, j'étais persuadé que la seule race vivante qui tue par plaisir, c'est l'homme. Le loup ne tuerait pas que, quand il tue, que pour manger. Que répondre à cela? Alors d'abord, évidemment, dans les différentes espèces, il est sûr que l'homme est l'espèce prédatrice la plus importante. Il serait effectivement malvenu de le nier. En revanche, que le loup puisse, dans certaines occasions, être dangereux pour l'homme, c'est le cas évident en histoire. Et il y a même des phases où il a été particulièrement dangereux, à la fois comme animal prédateur, c'est-à-dire sélectionnant dans l'espèce humaine les êtres les plus vulnérables, les enfants et une partie des femmes, exposées en tant qu'êtres familiaux dans les pâturages en particulier, à la garde des troupeaux, qui étaient surtout des bovins et pas des ovins, et ceux de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. Et puis les loups enragés qui, perturbés par la maladie, se jetaient sur tous les êtres vivants qu'ils rencontraient, les défiguraient et entraînait des séquelles extrêmement graves et traumatisantes jusqu'à l'arrivée de la rage, 3 semaines ou 1 mois après, qui entraînait une mort fatale terrifiante. Donc cela a existé, il ne faut pas le nier, il ne faut pas l'exagérer, mais il faut le reconnaître. Hein. Et enfin, il ne faut pas non plus nier que, occasionnellement, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, il n'y a pas eu des cas d'attaque sur l'homme. Il y en a eu, mais simplement très très peu, quelques-unes qui se comptent sur les doigts d'une main ou de deux mains en l'espace d'une décennie, mais que ce soit en Inde, en Irak, en Iran, en Asie, également en Espagne, en Biélorussie, au Manitoba, au Minnesota, pour prendre l'Amérique du Nord, on a quelques cas de ce genre. Alors, je vais vous poser une question encore plus concrète. Quand on fait des randonnées, beaucoup de gens aiment randonner, c'est bien, on fait quelquefois des rencontres, alors plus ou moins agréables, plus ou moins effrayantes. Un randonneur qui tombe sur un loup, ça peut arriver. Il ne faut pas dramatiser. Attendez. Quelle est l'attitude ? Quelle est la bonne attitude ? La bonne attitude, c'est évidemment d'être prudent, d'être droit debout, d'être en quelque sorte, de ne pas effrayer l'animal, et de faire comme si on ne l'avait pas vu, en quelque sorte. À cet égard, une enquête internationale sur la peur du loup, qui recense des cas d'attaque sur l'homme au XXe siècle, mais surtout au XIXe et au XVIIIe siècle, qui a été organisée par le ministère norvégien de l'environnement en l'an 2000, explique qu'il faut être prudent à l'égard du loup. Ça va de soi. Ceci étant, le risque d'attaque d'un être humain par un loup, sans être nul, est extrêmement faible. Il ne faut pas le surestimer. Alors, il y a un auditeur qui avait repéré, et tant mieux que nous allions parler du loup aujourd'hui, lundi 16 mai, nous a envoyé une lettre. Il s'appelle Jean-Paul Viron, il habite à Saint-Laurent-Royan. L'immatriculation commence par 26, donc dans la Drôme, dans le Vercors. C'est un naturaliste, et il nous dit « Le marquage de territoire des meutes normalement constituées et non traquées permet une socialisation du loup. » Alors, il en arrive à sa thèse. « L'agressivité de celui-ci alors diminue. » Il a une jolie phrase, il dit « On crée ainsi un espace de pacification. Aussi, au lieu de faire la guerre au loup, dit-il, apprenons à vivre avec lui, lui qui fait partie des milieux naturels vivants. » Que pensez-vous de sa thèse ? Alors, c'est un peu un idéal. Effectivement, si les meutes se constituent normalement et arrivent à se socialiser entièrement, il n'y aura pas de comportement déviant d'individus dits disperseurs qui pourraient, en quelque sorte, assurer des prédations un peu différentes de celles des meutes, voire éventuellement attaquer des proies qui ne sont pas habituelles. En revanche, si on a des meutes qui s'installent un peu partout, comme c'était le cas en France au XVIIIe ou au XIXe siècle, les dommages collatéraux sur l'élevage et sur les animaux domestiques, pas uniquement l'élevage, mais également les chiens, et puis évidemment les génisses aussi, mais surtout le secteur caprin et ovin, eh bien se rencontreront partout. Parce que le loup est un prédateur opportuniste et au-delà du gibier qui est son premier, en quelque sorte, élément de proie, il se rabat très volontiers sur le bétail domestique. On va écouter ensemble une dernière archive, Jean-Marc Morisseau. Même ceux qu'on pensait partisans, éventuellement des loups, parce que proche de la mouvance écologiste, l'attaque. Parmi eux, il y a José Bové. Alors c'est vrai qu'il est aussi un paysan, et il le revendique. Le 17 juillet 2012, sur Radio Totem, il avait déclaré « Pour moi, les choses sont claires. Si le loup risque d'attaquer un troupeau, la meilleure façon de faire, c'est de prendre le fusil et de tirer. » Et puis en septembre 2014, Olivier Bell, éleveur et responsable du dossier loup à la Confédération Paysanne, l'organisation syndicale de José Bové, demandait un changement du statut du loup qui, selon lui, n'est plus une espèce menacée. On va l'écouter ensemble. Nous, on pense à la Confédération Paysanne qu'il faut vraiment revoir le statut de l'espèce loup. On considère que le loup n'est plus une espèce menacée. Et le fait de changer son statut permettrait de rentrer dans une stratégie de prélèvement fort. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que ça aille jusqu'au piégeage, avec des prélèvements de meutes complets sur des zones où les comportements des loups et la cohabitation n'est pas possible. Alors, Jean-Marc Morisseau, pardon, pour sortir de ce problème, si tant est qu'on puisse en sortir, on peut actionner le levier du statut, le statut du loup. Quel statut faut-il donner au loup pour qu'on arrive dans une certaine harmonie entre ceux qui défendent l'espèce, les écologistes et puis les éleveurs ? Je pense qu'il faut être pragmatique. Pendant des siècles et des siècles, le loup était le pire des animaux nuisibles. il était au sommet de l'échelle noire, en quelque sorte, de la dépréciation de l'animal sauvage par l'homme. En l'espace de quelques décennies, il est passé à l'autre bout de l'échelle, à l'extrémité finalement positive, comme un animal, non pas protégé, mais strictement protégé. Cela, il est vrai, sous le fait de négociations qui ont été menées par des groupes écologistes en France et à l'étranger qui souhaitaient ardemment la protection stricte de l'animal. D'où d'ailleurs le silence de démarrage qui a accompagné l'arrivée du loup, jusqu'à d'ailleurs tromper un certain nombre d'éleveurs qui avaient été attaqués par des loups pour assurer d'une manière irréversible le nouveau statut du loup. Vous l'avez rappelé, Gilbert Sibon a pris fin juillet 1993 les derniers arrêtés de protection juste après deux attaques sur des troupeaux pour rendre irréversible l'arrivée du prédateur. Je pense que ce rapport de force entre écologistes, certains écologistes, il ne faudrait surtout pas généraliser, et éleveurs, certains éleveurs, il faudrait non pas généraliser non plus de ce côté-là, n'est pas viable et qu'il faut des compromis nécessaires en remettant les choses sur table et en affichant un minimum de pragmatisme, d'intelligence et de discernement. Et il faut effectivement remettre en cause le statut du loup en Europe tel qu'il a été défini par la directive Habitat et par la Convention de Berne, même s'il y a des dérogations qui existent, même s'il y a quelques marges possibles de régulation, elles sont bien trop faibles pour pouvoir gérer la question à l'échelle de l'Europe. Il faut une politique territorialisée qui permette, selon les espaces et le degré de gravité que le loup pose à l'égard de l'économie et de la société, réagir différemment. Alors, dernière question, on peut faire un parallèle avec la réintroduction de l'ours. Hein, ça a aussi créé de grosses polémiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, vous êtes spécialiste du loup, est-ce que vous êtes intéressé aussi au thème de l'ours? Oui, alors, ce qui est comparable, c'est que dans un cas comme dans l'autre, le développement du prédateur, d'une manière, la protection du prédateur, s'opère à l'encontre des intérêts, de la volonté et des modes de vie d'une minorité de la population qui paie au prix fort les choix idéologiques et écologiques, à savoir les éleveurs. Donc on ne tient pas compte vraiment de leur avis. Après, dans un second temps, on essaye évidemment de leur donner, de les doter de mesures de protection, de les indemniser partiellement, jamais totalement, et puis d'essayer de réduire les coûts évidemment psychologiques que ces animaux pèsent sur eux. Ceci étant, il y a une différence entre l'ours et le loup. Parce que, sauf cas particulier, toujours possible de lâcher volontaire. En dehors de ces cas particuliers, dans la majorité des cas, les loups que l'on observe en France sont revenus naturellement. Enfin, c'est encore faux de dire naturellement. Ils sont revenus dans un cadre... La nature n'existe pas. Dans un cadre naturellement protégé. C'est-à-dire qu'on a laissé faire et surtout... on a réduit le braconnage, sans pour autant d'ailleurs l'éliminer, parce que dans des pays comme l'Italie ou l'Espagne, le braconnage est encore plus important qu'en France, et c'est celui qui permet en quelque sorte d'éviter une crise totale. Mais on l'a fait, alors que pour l'ours, on l'a réintroduit volontairement, hein, pour assurer la survie de l'espèce in situ dans les Pyrénées. Et les ours slovènes qui sont revenus l'ont été évidemment par le biais de l'homme, alors que les loups italiens qui sont revenus en France, en majorité en tout cas, sont revenus finalement naturellement, oui, mais dans un contexte protégé. Merci infiniment Jean-Marc Morisseau pour ces informations, ces compléments et votre connaissance de ce problème, enfin cette problématique, hein, du loup. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le retour des loups en France, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'affaire Buffet-Bontemps.